Si la cité est le théâtre de la vie et tous ces gens de comédiens intermittents, est-ce un drame ou une comédie qui se joue ici et maintenant? Dans les coulisses et les derniers préparatifs, dernière touche avant le lever de rideau, chaque jour est décisif à remonter le rocher tout en haut. De la vie. C'est un jour comme les autres qui se lèvent sur les tours. La poursuite étire les ombres sur le boulevard, sans bavure au contour. Non, ce ne sera pas un polar, ni cour, ni jardin, mais quelques places publiques et des bars pour fermer l'hexagone dans un bleu électrique. S'agitent les gilets jaunes. Sable balai, le tut-tut des voitures, des gaz d'échappement pour planer au-dessus de ces murs vers d'autres contrées. Figurant technicien premier et second rôle, et pour régir ce petit monde, pas de tour de contrôle, mais des idées fécondes. T'es si longtemps resté si ténébreuse, as-tu enfin brûlé les planches prometteuses? De la vie. T'es si longtemps resté si ténébreuse, vas-tu enfin brûler les planches?